pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Escoitas Isto Radio, un programa de historia de Falamelí de Radio. Y me hizo volar. Dirigido y presentado por Cristian Álvarez. Pasaremos un bo rato falando de historia e outras cousas. Déixate de historias e escoita Isto Radio no 90.5 da FM e na web do IES de Melide, en Falamelide, a Radio Natural. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Hola, et bienvenidos todos et todas à Isto Radio. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde médit de moi, sauf les muets. Chámome Cristian e son o presentador e acompañarei vos a través das ondas. Cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Este é o primeiro programa, así que non entraremos demasiado en materia. Non pensedes que en Isto Radio só falaremos de historia, senón que faremos un pouco de todo. E de vez en cando tamén contaremos con algún invitado. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de... Sen máis dilación, comencemos. E por que non falar de Roma? Unha cidade emblemática, verdade? Capital de Italia. Ademais, é a cuarta cidade máis poblada da Unión Europea. Foi unha das grandes metrópoles da humanidade. Pour deviner le sort qui m'est promis, s'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome, mais les braves gens n'aiment pas que. É a cidade con maior concentración de bens históricos e arquitectónicos do mundo. Como todos ou casi todos sabedes, Roma foi capital do Imperio Romano. Vouvos recomendar un libro chamado Gladiador. Trata de Grecia e Roma. É moi interesante, só que é un pouco longo. Ten as 310 páxinas. Está disponible na biblioteca do IES. Dentro de Roma tamén se atopa a cidade do Vaticano. Roma xurdiu no 8 antes de Cristo. De petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas. O Coliseo de Roma foi construído na antiga ubicación do Pazo de Nerón. Roma é unha enorme cidade, pero hoxe xa acabamos o programa. Espero vos na seguinte emisión de Isto Radio. Ata pronto. Non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi.